Théodora, par Léopold von Sacher-Masoch. Ce fut par une maussade journée de novembre que le baron Ander entra dans l'appartement de Théodora Basili. Il la surprit très désagréablement en lui annonçant qu'il allait la marier. Théodora était une jeune fille du village, la plus belle, la plus fière entre toutes, parmi ses beautés majestueuses, dont les grands airs et les façons de princesse trahissaient si parfaitement l'origine caucasienne. Un jour, au cabaret, le baron vit Théodora danser la Kolomeïka et en devint amoureux. Pour conquérir son cœur, il lui suffit d'un collier de faux coraux d'un beau rouge et d'un petit pot de fard de même couleur qu'il acheta chez le marchand juif du village. Car il faut dire que ces enfants de la nature, qui pourraient se contenter de leur éclatante fraîcheur, ont le mauvais goût de se farder comme de simples grandes dames de Vienne ou de Paris. Plus tard, au château, quand elle fut en possession des rênes du gouvernement, le baron lui faisait de plus riches cadeaux. Elle se promenait, vêtue magnifiquement, et prenait de plus en plus, chaque jour, les habitudes et les allures d'une femme de haute naissance. Lorsque le baron vint lui annoncer la nouvelle, qui la frappa comme la foudre, Théodora était assise sur un divan, chaussée de pantoufles rouges brodées d'or, enveloppée d'une casabaïka de velours rouge garnie de martre. Ses mains disparaissaient dans les larges manches de sa casabaïka, et ses pieds reposaient sur une énorme peau d'ours. Dans cette attitude, son visage sévère, avec sa noire chevelure et ses grands yeux sombres, avait une expression démoniaque. Elle regarda le baron d'un air effaré, sans remuer, sans dire un mot. Elle paraissait comme saisie de terreur à l'idée de quitter cette maison seigneuriale où elle avait commandé en maîtresse pour devenir une simple paysanne. « L'homme que je t'ai choisi, dit le baron, est Begulevitch, le plus riche paysan du pays. Il ne manquera rien à ton trousseau. J'espère que tu seras raisonnable, Théodora. » En effet, elle se montra beaucoup plus raisonnable que le baron ne s'y attendait. Pas une plainte, pas une menace ne s'échappa de ses lèvres. Elle obéit, muette et résignée, trop fière pour exhaler la tristesse et la colère qui troublaient son âme. Elle poussa son empire sur elle-même jusqu'à sourire, lorsque le baron se pencha vers elle et l'embrassa sur le front, mais ce sourire était froid à donner le frisson. Quand le baron l'eut quittée, elle se leva brusquement, se dirigea vers la fenêtre et contempla longtemps le paysage morne qu'attristait si profondément la brume automnale. Puis tout à coup, elle se jeta à genoux devant l'image de la Madone, au-dessous de laquelle brûlait une petite lampe bleue, et elle se mit à prier en pleurant à chaudes larmes. En la mariant, le baron Ander donnait à Théodora une couple de très beaux chevaux, 2 vaches, 50 moutons, et une somme d'argent importante, insignifiante pour le baron, qui en perdait souvent davantage au jeu dans une seule nuit, mais qui représentait une fortune pour le paysan serbe du Banat. C'est ce qui décida celui-ci à épouser la maîtresse du grand seigneur. Ce mariage fit beaucoup rire et jaser. On se moqua également des deux époux. Elle, qui se croyait déjà baronne, disait les paysannes, « Il va falloir mener paître elle-même ses oies, tout comme nous, c'est triste. » Begulevitch dut en entendre de bien plus raide, mais il était philosophe et laissa dire. Après avoir tâté et caressé les chevaux et les vaches, s'être extasié devant la beauté des moutons, ayant compté et recompté l'argent, il prit la femme, sans sourciller, par-dessus le marché. Naturellement, il ne pouvait entrer ni amour ni respect dans une pareille union. Elle fut donc malheureuse dès le début, d'autant plus que le baron ne tarda pas à ramener de la capitale de la Hongrie une jeune et belle femme. Théodora comprit qu'elle devait renoncer tout à fait aux faveurs de son ancien maître et tomba dans un état de profond abattement. Elle en souffrait horriblement. Elle ne souffrait guère moins de sa nouvelle situation, n'étant plus accoutumée à la vie dure, au travail pénible, à la nourriture grossière d'une paysanne du Banat. Sous l'empire de cette souffrance muette et contenue, le teint frais de Théodora fit bientôt place à la pâleur. Puis elle se mit à maigrir chaque jour davantage. L'hiver venu, elle restait assise auprès du feu des journées entières, dans une complète immobilité, plongée dans ses réflexions, ses regards fixés sur les flammes du foyer. Tant que dura l'hiver, Begulevitch la laissa tranquille. Mais au retour du printemps, lorsqu'il fallut se mettre à labourer la terre et à semer, et qu'il vit Théodora toujours immobile, les mains passées dans les manches de sa pelisse en peau d'agneau, il s'impatienta et sa colère finit par éclater contre sa femme qui ne lui servait à rien. Mais avant que de manifester ses volontés, il absorba prudemment un certain nombre de petits verres de forte eau-de-vie pour se donner du courage, sans quoi il n'aurait jamais osé chercher querelle à la baronne, ainsi qu'on appelait sa femme dans le village. Quand il se sentit suffisamment échauffé, Bigoulevitch se redressa, tâcha de se donner un air imposant et entra brusquement dans la chambre de Théodora, comme ces poltrons qui ferment les yeux et se précipitent tête baissée au milieu du danger. « Est-ce que tu auras bientôt fini de dormir » cria-t-il. « Te décideras-tu à te mettre au travail ou faudra-t-il que je t'y conduise comme une bête de somme ?»« Est-ce que tu es ivre ?» demanda Théodora froidement sans bouger. Alors Bigoulevitch s'avança vers elle comme pour la frapper. Mais il vit tout de suite qu'il ne la connaissait pas. Soudain, elle s'élança de son siège et se dressa menaçante devant lui, les yeux en flammes, la poitrine bondissante, les poings crispés comme une lionne en fureur. Bigoulevitch crut sa dernière heure venue. Cette superbe furie aurait épouvanté de plus courageux que lui. Il recula en balbutiant quelques mots incompréhensibles et sortit de la chambre de sa femme complètement vaincu. À partir de ce jour, il la laissa faire selon son bon plaisir, mais en nourrissant secrètement l'espoir d'en être bientôt délivré. Car la malheureuse Théodora paraissait de plus en plus souffrante, ses joues se creusaient à vue d'œil, et tout le monde la croyait atteinte de phtisie. Mais il arriva tout le contraire de ce qu'espérait le mari de Théodora, et de ce que prévoyaient les gens du village. Un jour en automne, on rapporta Bigoulevitch mort dans sa charrette. Un chêne gigantesque, que le baron l'avait chargé d'abattre dans la forêt, était tombé sur lui et l'avait écrasé net. Alors, presque tout à coup, une véritable métamorphose s'opéra chez la jeune femme. Elle sortit de son immobilité et cessa de rêvasser. De paresseuse et d'inutile qu'elle s'était montrée si longtemps, la baronne devint soudainement la femme la plus sage et la plus intelligente, la plus active et la plus laborieuse. Dès lors, elle se chargea de toute l'économie de la maison. Elle était la première à s'en aller au champ et la dernière à en revenir. Elle travaillait comme quatre et ses voisins la regardèrent avec stupéfaction. Ils avaient prédit la ruine de la baronne et tout au contraire, ils la voyaient prospérer de plus en plus. Les champs rapportaient en plus grande abondance, le bétail engraissait à vue d'œil et l'aspect général de la maison avait un air de propreté et de gaieté qu'on ne lui avait jamais vu. Mais le plus étonnant changement, c'était celui qui s'était opéré en Théodora elle-même. De languissante qu'elle était, presque subitement, elle redevint forte et pleine de santé. Ses joues rivalisaient de couleur et de fraîcheur avec celles des plus jeunes et des plus belles filles du village. Ses yeux étaient plus étincelants que jamais. Bientôt, dans tous les villages du Banat serbe, la jeune veuve fut réputée pour la femme la plus travailleuse, en même temps que la plus belle, et un grand nombre d'adorateurs briguèrent sa main. Elle fut très gracieuse et très aimable pour chacun d'eux, mais à tous, elle déclara fermement qu'elle ne voulait plus renoncer à sa liberté et qu'elle ne se remarierait à aucun prix. Ils finirent par la laisser en paix sans cesser de soupirer pour elle et de lui envoyer des regards tout pleins d'ardent désir. Le dimanche, quand elle se rendait à l'église, chaussée de bottes rouges, enveloppée dans sa pelisse de peau de mouton brodée de diverses couleurs, sa gorge fine ornée de coraux et de sequins d'or, le beau Satan, ainsi qu'on appelait généralement Théodora, inspirait à ses adorateurs un sentiment d'admiration mêlé de beaucoup de crainte. On savait d'ailleurs qu'elle gouvernait sa maison et conduisait son personnel avec une grande sévérité. Malheur à celui qui n'obéissait pas sur le champ ou qui commettait une faute grave. Elle ne plaisantait pas, non, vraiment. Sa maison était considérée comme une maison de correction. Quand une jeune fille ou un jeune homme se montrait incorrigible et que tous les moyens de le soumettre étaient épuisés, ses parents le plaçaient chez Théodora Bigoulevitch, qui se chargeait de le dompter en très peu de temps. À l'époque où ces transformations s'opéraient chez Théodora, le baron Ander ne venait que rarement à son château. Le jeune couple passait l'hiver soit à Pest, soit à Vienne ou à Paris, et l'été dans quelques stations balnéaires à la mode. Quand le baron et la baronne venaient passer quelques semaines dans leurs terres, ils ne sortaient guère du manoir qu'entourait un parc immense. Il résultait que le baron et Théodora ne s'étaient pas rencontrés depuis des années. Tout à coup, on raconta que le baron, ayant mené trop grand train à l'étranger, avait dissipé une partie considérable de sa fortune et qu'il s'était résolu à vivre quelque temps dans sa terre pour réparer ses pertes. Théodora apprit cette nouvelle sans la moindre émotion apparente, mais quelques jours plus tard, ayant rencontré le baron sur la grande route, elle devint pourpre et son cœur se mit à battre violemment. Elle se rendait à la foire qui avait lieu la ville voisine. Elle était à cheval et montait à califourchon comme un homme, le fouet à la main. Le baron venait à sa rencontre, montant un superbe cheval anglais. Il la regardait fixement et ne la reconnut qu'au moment où il venait de se croiser avec elle. « Théodora ! » s'écria-t-il. Elle s'arrêta et se retournant à demi sur sa selle. « Que me voulez-vous ? » demanda-t-elle. « Je veux te demander comment tu te portes. » Il me semble que cela ne doit guère vous intéresser. Tu as l'air superbe. Dieu merci, je suis maintenant en bonne santé. » Elle avait parlé par-dessus son épaule avec un sourire froid. Sans attendre une autre question, elle fouetta son cheval et partit au galop. Au printemps suivant éclata la grande révolution. Les paysans serbes, qui s'étaient déjà plusieurs fois révoltés contre leur maître et qui avaient toujours été accablés par le nombre, profitèrent du mouvement général qui entraînait la Hongrie et l'Europe entière pour tenter encore une fois de secouer le joug odieux. Des excès sanguinaires suivirent ce soulèvement, et bientôt la révolution s'étendait sur tout le pays. Tous les hommes capables de porter les armes se jetèrent dans les forêts, où se formèrent des bandes nombreuses sous le commandement d'anciens soldats, et l'on vit en peu de temps la guerre de guérilla s'allumer dans toutes les vallées. On surprenait les manoirs, on maltraitait les seigneurs, souvent on les assassinait avec leurs fonctionnaires et leurs domestiques, et quand on avait pillé, enlevé tout le mobilier, on se retirait après avoir mis le feu aux bâtiments dévastés. Dès le début, le baron Ander avait éloigné sa femme et l'avait mise en sûreté. Il allait partir à son tour quand les pillards se présentèrent au château. Il essaya de se sauver par le parc, mais en vain. Il fut découvert, ramené et traîné jusque dans sa cour. Là, tandis que la bande pillait les appartements, les chefs se consultèrent pour savoir s'ils devaient clouer le baron à la porte d'une grange ou seulement lui infliger une forte bastonnade. Tout à coup, Théodora apparut au milieu d'eux. « Que voulez-vous faire de cet homme ? » demanda-t-elle. « Nous voulons nous venger, » lui fut-il répondu. « C'est encore un magyaron. Il faut qu'il meure. »« Eh bien, livrez-le-moi » s'écria-t-elle. « Il n'a fait à personne un si grand tour qu'à moi. Je saurai le punir comme il le mérite. » Les paysans du village, qui avaient embrassé la cause des insurgés et pris les armes, éclatèrent de rire, sachant de quoi elle était capable. « Oui, il faut le lui abandonner !» s'écrièrent-ils. « La mort que nous lui donnerions serait plus douce que le sort qui l'attend avec Théodora. »« Prends-le donc, il est à toi !» décida le chef Gustavitch. Théodora retira vivement une corde qu'elle avait autour des reins et attacha au baron les bras derrière le dos. « Voilà !» murmura-t-elle. « Maintenant, mon amour, nous allons pouvoir célébrer nos noces. » Puis elle lui appliqua un vigoureux coup de poing dans le dos et le poussa devant elle en le frappant d'une baguette qu'elle venait de couper dans la haie voisine. Muet, désespéré, Ander marchait la tête basse. Il savait qu'il était perdu, que ni prière ni menace ne lui serviraient de rien auprès de cette femme. Rien n'aurait pu l'attendrir, et pour le moment, les rebelles étaient maîtres du pays. Il s'arrêta en passant devant la porte de sa maison et dit « Si tu as l'intention de me tuer, fais-le ici et tout de suite. »« Est-ce que tu m'as tué tout d'un coup, moi ? » répliqua-t-elle avec un regard plein de rancune et de mépris. « Non, tu as voulu me tuer lentement. Si je vis encore aujourd'hui, ce n'est pas grâce à toi. Il faut que tu meures. Je le veux, monstre. Mais tu mourras comme moi, petit à petit. » après avoir enduré toutes les tortures que tu m'as infligées. » Arrivée chez elle, elle le poussa d'un nouveau coup de poing dans une sorte d'écurie et l'y enferma. Il resta là, couché sur la paille, jusqu'après le départ des insurgés. Alors Théodora vint ouvrir la porte et lui ordonna de sortir. Tandis qu'un valet de ferme s'avançait avec un bœuf de trait, elle sortit elle-même la charrue du hangar et y attela le baron. Le malheureux se garda bien de faire résistance. Il savait que ça n'aurait pu qu'empirer sa situation. Il ne songeait qu'à gagner du temps, peut-être qu'un hasard, comme l'arrivée d'un détachement de soldats hongrois, le sauverait. Après avoir fait atteler le bœuf à côté d'Ander, Théodora saisit les guides d'une main, le fouet de l'autre, et la charrue se mit en mouvement suivie du valet de ferme. Quand ils furent au milieu des champs, elle abandonna la charrue au balai et se chargea de conduire cet étrange attelage. Bientôt, une foule nombreuse, composée en grande partie de femmes et d'enfants, se trouva rassemblée autour de Théodora. Ils commencèrent par regarder avec stupéfaction ce spectacle inouï. Puis ils finirent par accabler l'infortuné Ander d'insultes, de moqueries haineuses, de plaisanteries cruelles. Après avoir labouré ainsi pendant 3 jours, le baron était à bout de force. Le 4e jour, il s'arrêta tout à coup au milieu d'un champ. « Malgré la meilleure volonté, je n'en puis plus, » murmura-t-il. Il se remit en marche sous les coups de fouet de Théodora. Quelques pas plus loin, il tomba par terre, accablé de fatigue. Mais la cruelle était sans pitié, elle le força à se relever et à labourer jusqu'à la fin du jour. Le lendemain, lorsqu'elle voulut l'atteler de nouveau à la charrue, il tomba à ses genoux, implorant sa pitié. « Est-ce que tu as eu pitié de moi ?» répondit-elle. Et cette fois, bien loin de s'apitoyer, elle l'attela tout seule à la charrue. Elle mit tranquillement sa jaquette et s'arma de son fouet. Après avoir tracé 2 ou 3 sillons péniblement, tout haletant, il s'abattit. Théodora l'aida violemment à se relever. Encore quelques pas et il s'affaissa de nouveau. À coups de pied et à coups de fouet, elle le fit repartir, aiguillonné par la douleur. Vers la moitié du nouveau sillon, il tomba à genoux. « Pitié, Théodora !» s'écria-t-il en gémissant, et un flot de sang s'échappa de sa bouche. Alors elle se mit à le contempler avec un air de satisfaction, vêtue de sa casabaïka, les 2 mains appuyées sur les hanches. Il était étendu sur les mottes de terre fraîchement remuées, qu'il rougissait de son sang. « Je me meurs !» murmura-t-il. « C'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'attendais » répondait-il. « Tu vas mourir comme une vilaine bête, à la belle étoile, Dieu !» te pardonnera peut-être. Assez, Théodora, ne sois pas sans pitié. Peut-être est-il encore temps de me sauver. Je t'ai dit que je voulais te voir mourir. Pourquoi tant de haine? Parce que je t'ai trop aimé. Ander poussa un profond soupir. Ce fut le dernier. Quand elle le vit mort, Théodora lui jeta un regard et rentra tranquillement chez elle. Elle chargea le fusil que lui avait laissé feu son mari et abandonna le village pour aller rejoindre les insurgés, qui, renforcés par des hommes de la Serbie, sous le général Kaysanin, étaient en train de se battre avec les Autrichiens contre les Hongrois. Lorsque cette grande lutte fut terminée, un des paysans serbes, retourné à son village et à sa charrue, raconta que dans une rencontre avec les troupes hongroises, Théodora avait été tuée par une balle ennemie. Il faut croire que ce récit était exact, car depuis, on n'a jamais plus entendu parler d'elle. C'était Théodora par Léopold von Sarrermazor.